La Louve, Purple Ace, Agapé Production, check my flow, Black music, best the bad, Mrs. Gangsta Bab sur my pussy, je suis waterproof. Dédi, dédicace, en bien ou en mal, valeur inestimable. Ajouté à la somme de ton calcul, ça m'est égal. Oh, da bossy, baby, laisse tomber les rôles. Roll da boss, frappe ma vie sur ta banane. Trash ou Jackie Brown, de bastos, qui met M, mitraille mon empreinte, je régale. Da bossy, on veut le beurre, le diamant noir du peuple aussi. C'est quand ça heurte que le feu brûle de l'intérieur. Coupe les murs, n'ont pas que tes oreilles. Il pose ses yeux sur Facebook. Une connerie, ça va, c'est le pédophile de trop qui me pose problème. Trop ancré dans l'histoire via des mots post-mortem. Amicalement, toc toc toc, le petit chaperon bleu. Da bossy. C'est un hold up bordel, tout le monde est en l'air, bordel, da da da boss. Loin d'être une personne lambda, ma langue tacle mène des coups francs direct, droit au but comme lampard. T'as la dit tout, t'as la histoire que je te rends garde. Crache sur ma gueule, prends garde, les boucs entières vieillissent mal. Da bossy, baby, je mets la barre haute, abusé. Tout série pour un tout si esquivou. L'homme pèse, l'homme pousse le trou africain sans tabou. Da bossy, baisse ton froc, pime ta vie en rose, pas de soucis. J'cours pas après le diable, c'est l'agonie après l'enfer. Si le diable est barre creuse, le disque d'or aille aux enfants du désert. Big up, je le dois de ce système. Fidèle à moi-même, mon cœur aime souffrir la bohème. Dans le fond, ce n'est que l'apparence d'une bonne cause. Pour la forme, je l'ai déjà entendu, mon rap, c'est que du love. Da bossy. C'est un hold up bordel, tout le monde est en l'air, bordel, da da da boss. À celui qui veut ma peau, aura d'abord la sienne. Pro et black, pas Congo, la ride, cliché, mon vermeil. Quand je me regarde dans le miroir, je dirais bien que c'est moi. Même que quand je me compare, ça me conforte, je tiens la baraque, oh mama. Da boss, MC, aux mêmes racines que Kaisus Clay. Que du boucan parce que ta gaz est dans le bus. On a coutume de dire que c'est celui qui parle moins qui gère le plus. C'est quoi une fausse meuf de tête? Ça m'a faut que je justifie mon adresse à base de wesh wesh. Quitte là-bas, la rue c'est pas ma mère. T'as le droit de garder le silence, de Fleury à Fresnes. Courage petit frère, même sans paix qui s'y prête à manquer de respect. Ça prête à déclarer la guerre, la paix est un colis suspect. Me demande pas pourquoi ton mec me court après. Ça part très vite, race de copine de très près. Oh. Da bossy. C'est un hold up bordel, tout le monde est en l'air. Bordel, da da da bossy.